Eu vivo de amor, eu vivo de amor. Só tu és parte do sonho, uma paixão. Ai, minha, eu abro o amor. Eu vivo tanto este amor. Tu és um brilho em meu olhar. Tu és minha loucura. Só te sinto em mim. Meu coração só te quer ter. E só precisa de. Comment veux-tu qu'elle trouve sa peur sans même me le suivre? Et elle est maintenant ses baskets. Elle nous met tous dans le même sac. Et elle nous prend pour ses affaires. Tous les jours elle change de sac. Et dimanche dernier, nous avons pu vous retrouver aussi, retrouver à la galette. Oui, du coup, autour d'une bonne galette, d'un bon verre de cidre et aussi accompagné d'un groupe de chansons. Donc franchement, c'était un moment convivial où on était tous contents de vous retrouver pour cette nouvelle année. Alors merci à vous tous, vous adhérents et vous accompagnants d'être venus du coup dimanche dernier. Oui, un immense merci au groupe. Alors, je ne sais pas si j'avais réussi à le dire correctement. Conjunto Típico por do Sol. Je crois que je l'ai bien dit. Ou pas. Je ne sais pas, je n'avais pas l'écriture en face de moi. En tout cas, merci parce que c'était vraiment un plaisir de tous vous y voir et de passer un très bon moment. Et en plus, grâce à cet événement, on a eu une petite nouveauté pour ceux qui étaient présents. L'ont su grâce à des petites affiches qui étaient un peu partout. Donc, on va vous en dire un peu plus tout à l'heure. Mais on va faire un petit sondage. Alors, c'est un événement qui arrive prochainement. À vous de le trouver. On fait ça? Oui. Mais ils le savent pas déjà? Quelques-uns le savent, ceux qui étaient venus à la galette. D'autres ont pu l'écouter à la radio, mais d'autres qui ne le savent pas. Ok, encore. D'accord. Bon, on fait... Un événement qui arrive très prochainement. Essayez de... S'il y en a qui ont des pistes, de nous dire qu'est-ce qui va se passer, peut-être. Est-ce qu'on donnerait pas un indice quand même? Parce que très prochainement... Un événement très prochainement, vers avril. Non, mais un petit peu... Un indice un petit peu mieux. Ah, c'est très bien, un grand indice. Moi, j'aurais dit un indice sur les couleurs. Oui, tu peux, mais ça fera... C'est un petit indice, mais ça changera pas gros. Franchement, oui. Mais vas-y, le... Bah non, mais du coup, mon indice, c'est les couleurs flashy. Voilà. Ah oui, donc oui. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 02 38 43 48 00. O meu amor gosta muito, muito de cozinhar. Eu trouxe para ela uma receita lá do Brasil. Ele é demais e faz sempre tudo para me agradar. E esta noite vai ser moqueca para o jantar. Eu quero moqueca, ai dá-me moqueca, ai dá-me moqueca. Seja de frango, de camarão ou de peixinho, ai dá-me moqueca. já sabem como é. Quero voar. sentar nessa moda. Oh povo, desenho vira, esquecem as modas de agora. Cultura precisa de sentar nessa moda. Oh povo, desenho vira, esquecem as modas de agora. Oh, não vira a moda do mingo, mas o ar é meter o benzinho. O povo gosta e ninguém se quer. Petit jeu un petit peu différent ce matin. Donc on s'est dit qu'on allait poser un peu des questions qui pourraient mener à des débats. Comme ça, en fait, à la maison, vous pouvez aussi, ou à la, enfin, voilà, dans la voiture, ou n'importe où vous êtes, vous pouvez participer avec nous à ce débat. Et donc c'est des petites questions un peu que tout le monde se pose et que tout le monde a des avis différents. Donc on s'est dit qu'on allait échanger un petit peu là-dessus. Donc est-ce que tu veux poser une question, Mathis, ou que je commence? Tu commences. D'accord. Est-ce que pour toi, l'amitié peut être plus fort que l'amour? Alors, ça dépend. Pour moi, c'est un sujet à débat. Pour moi, ça peut être les deux. Ça peut être à 50-50. Mais je ne saurais pas dire que c'est quoi le plus fort, on va dire. Parce que c'est deux choses totalement différentes. Oui, c'est vrai que c'est la, oui. Oui, parce que je dirais pas que, enfin, l'amitié, ça peut être plus fort d'un sens dans le feeling, enfin, je pense dans la convivialité, mais l'amour, c'est quand même quelque chose qui est très particulier et que tu peux pas ressentir dans l'amitié, c'est pas possible. Donc, D'un côté, je dirais quand même que l'amour est quand même plus fort parce que, en fait, ça te procure des émotions que tu ne peux pas avoir dans l'amitié. Mais par contre, l'amitié, c'est quelque chose que tu peux pas forcément avoir. Enfin, tu ne peux pas avoir, selon moi, dans ton couple, une amitié pure. Enfin, c'est normal, vu que tu es en couple. Et vous? Oui, et vous, n'hésitez pas à nous appeler pour échanger là-dessus, hein, franchement. Bon, pour le moment, on est d'accord, donc ça fait pas vraiment débat, mais... Arriver en avance ou en retard à une soirée, c'est bon ou c'est pas bon? Alors moi, j'ai tendance à dire les meilleurs pour la fin, mais... Mais ben, quand tu arrives en retard, cette phrase ne marche pas. Non. Bon, je sais que c'est un petit pic pour moi ce matin. En plus, c'est parti. Non, en vrai, dans une soirée, je me dis qu'arriver en avance... ça a des avantages, mais en même temps non, parce que si on arrive en avance, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de dire bonjour à tout le monde quand on arrive. On ne sait pas, parce que souvent quand on arrive, on ne sait pas si on doit faire la bise jusqu'au bout, ou finalement. Si on doit juste dire bonjour comme ça. Non, en fait, c'est une timidité où je ne sais pas comment dire bonjour, s'il faut dire, faut faire la bise, dire bonjour, si machin. Donc, du coup, je me dis, si on arrive en avance, t'as pas à dire bonjour à tout le monde. Mais si t'arrives trop en avance, ça veut dire que c'est un peu plus gênant si tu connais pas la personne chez qui t'es. Si tu connais pas bien la personne chez qui t'es invité. Donc, et voilà. Ben, pour moi, non. Pour moi, être en avance, c'est un signe de respect pour certaines non, personnes. Non, mais on parle de soirée. Oh, hein. Oui, ben, c'est un signe de respect quand même. Ben non, arriver à l'heure, c'est aussi un signe de respect. Oui, mais en avance, c'est au moins... Est-ce que t'as besoin, peut-être la personne a besoin d'aide ou autre pour préparer la soirée? Bah, donc, imagine, c'est tu vois Milly, ta copine, vous faites un, vous devez aller, je sais pas, chez une amie à elle, et en fait Milly te dit, bah vu que t'habites juste à côté, je te rejoins là-bas. Genre tu vas être en avance et aller entre autres te mettre dans l'inconfort parce que c'est un signe de respect. Dans l'inconfort. Oui, en fait, ça va être gênant. Tu sais, tu vas arriver, tu la connais pas trop, mais t'es là quand même en avance, alors que tu pourrais être à l'heure ou un petit peu en retard parce que Milly, elle est pas là. Tu vois? Bah, en fait, ça dépend. Parce qu'au moins, t'es là pour aider la personne si elle a besoin d'aide ou pas. Après, en fait, c'est que je suis pas pour le retard. Donc. Après, je suis en retard, donc dans bah, tous les oui. cas. Mais je suis plus en retard à cause de toi en ce moment. Oui, bon, en vrai, pour la vérité, parce qu'il arrête pas de me vanner, c'est que dans ma vie professionnelle, je ne suis jamais en retard, mais jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas possible. Voilà. Et dans ma vie personnelle, je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis jamais toujours en retard. Mais toujours, je ne comprends pas. J'ai l'impression d'être un chat noir. Vous êtes plus team retard ou plus team avance ou ouais. plus team... Mais du coup, moi, je suis middle, finalement. Je suis moitié-moitié, parce que professionnellement, je suis toujours en avance, tout le temps en avance, vraiment. Car pour moi, être à l'heure, c'est être en retard, parce que... Voilà. Mais par contre, en retard dans ma vie perso, c'est fou. Mais enfin, bon. Du coup, voilà, le premier débat un peu salé, il a bien commencé. Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question est-ce que... T'as une autre question en attendant que je cherche ou pas? Se lever tôt, c'est une réussite ou un mythe? Comment? J'ai pas compris. Se lever tôt, c'est une réussite ou c'est un mythe? Enfin, par exemple, est-ce que se lever tôt, c'est incroyable, c'est bien? Enfin, est-ce que c'est bien pour le corps ou autre? Ou c'est juste un mythe? C'est bien de dormir, faire des crossmates de 15 000... Bon, j'ai pas tout compris la question, mais est-ce que c'est... J'ai pas tout compris, je suis désolée. Est-ce que se lever tôt, c'est bien? Oh. Bah, en fait, c'est le... Bah oui, bon, je sais pas, comme ça, tu as toute la est-ce journée est-ce que c'est mieux de se lever tôt ou se lever tard? Je suis plus team lève tôt, quand même, mais... Parce que je trouve... Oui, vraiment. Parce que je trouve que... tous les retards. Que... Oh, il me parle de retard, oh là là, c'est pas possible. Mais non, je préfère vraiment me lever tôt parce que comme ça, je me dis qu'en fait, on a toute la journée devant soi, on peut faire plein de choses, notre journée n'est pas gâchée. Alors qu'imagine, bah, tu te réveilles à 15h, qu'est-ce que tu fais? Il te reste. Je parlais pas de aussi tard. Ah oui, mais tu vois, pour moi, le team lève tôt, c'est entre, bon, alors 7h et 9h30. Et après, genre, team lève tard, pour moi, j'entends vraiment après-midi. Pour certains, 9h30, c'est déjà tard. Oui. Oui, après, ça dépend. C'était vraiment extrême tôt, mais... Et est-ce que tu te réveilles... Bah, c'est un autre débat. Tu me réveilles avec un réveil ou tu me réveilles sans réveil? Alors, donc du coup, j'ai toujours un réveil, parce que sinon, je ne me réveille pas sans réveil. C'est, il m'énerve, il a non, pas alors, de, vraiment, il n'arrête pas de me piquer par rapport à ça. C'était pas pour en aller à ce sujet, c'est parce que mes parents, mes grands-parents ou autres, n'arrivent à se lever sans réveil. En fait, avant de se réveiller, bah, je pense que pour la plupart des personnes qui nous écoutent, ça peut arriver, mais ils se disent, oh, je vais me réveiller à 8h, bah, ils se réveillent à 8h. Moi, je me dis, je me réveille à 8h, je réveille à 11h. Oui, bah, moi aussi. Ah, non, non, non. Par contre, ouais. Je sais pas, je trouve, c'est vrai que je connais des gens comme ça aussi, mais je trouve ça fascinant. Ils arrivent à se lever comme ça. Avant le réveil. Enfin, voilà, bah, mais. J'avoue que la semaine, je me réveille toujours 2 minutes avant mon réveil. Ah, bah, ça, c'est fort, hein. Ah, non. Non, en fait, vous me voyez pas sans réveil. Je ne sais pas quand est-ce que je me réveille. Hein. À 15h. Non, quand même pas. Mais, par exemple, le week-end, je mets pas de réveil. Mais ça dépend à l'heure que je me suis couchée la veille. C'est ça le truc. Parce que mon cerveau dort minimum 7 heures. Donc. Chez Philippe, il dort 15 heures. Non, quand même pas. Du coup, à moi. Est-ce que. Ça, c'est une question qui est assez compliquée. Enfin, ça dépend de la personne. Mais est-ce que pour toi, les surprises, c'est plus angoissant ou est-ce que c'est plus adorable, les surprises? Alors, ça dépend des surprises. Mais je dirais adorable. Ok. Parce que ça part toujours d'un bon sentiment. Après, oui, on peut être mal à l'aise face à la surprise. Mmh. Ou gêné ou autre. Bah. J'ai une anecdote pardon là-dessus. En fait, j'ai failli organiser un anniversaire surprise de quelqu'un que j'adorais. Et en fait, il se trouve que cette personne n'aimait pas les anniversaires surprises. En fait, il aime pas trop de base les anniversaires parce qu'il l'a jamais trop fêté et tout ça. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais lui en faire, hein, tu vois. Et finalement, heureusement que non, que j'avais pas eu assez de temps. Et en fait, parce qu'il m'a dit, mais en fait, j'aurais détesté. Je vais, oh my god, heureusement. Bon. En tout cas, avec ces petits débats, vous avez pu voir quelques sujets. Peut-être chez vous, vous êtes en train de débattre justement en même temps que nous. Pour pouvoir du coup avoir votre avis ici. N'hésitez pas à nous l'envoyer aussi, votre avis. On fera peut-être des petits sondages de nos questions qu'on a posées en mode plus Timto, plus Leptard, plus on fera sur nos réseaux. Donc avec vous-radio. Oui. Ou c'est radio-radio. Non, c'est avec vous-radio. On fera les petits sondages des questions. Là, on va les faire actuellement. Comme ça, on pourrait partager. On pourra les communiquer à l'antenne. Voir qui est plus quel team. Et on le fera en fin d'émission. Oui, on fait ça. Eu vou que vou, de Jorge Amado a pessoa. Eu vou. portuguesa de alma e coração. Sou portuguesa, sou sim senhor. Com muito orgulho, não duvidem não. Vai ao norte, tem concerto e na tocada. Tem o povo a dançar, gastronomia para provar. Quem vai ao centro, tem um verde sem igual. Tem um brilho natural, tem um encanto especial. Quem viaja sabe que é assim. Por isso eu falo, falo por mim. Sou portuguesa, sou sim senhor. Sou portuguesa de alma e coração. Sou portuguesa, sou sim senhor. Yeah. faz-me perder. Essa mulher perfeita que eu quero amar sempre mais e mais. Faço tudo para te conquistar. Contigo eu quero ficar. É um fruto proibido, mais apetecido que eu quero provar. És minha paixão, ardente, coração não mente, só te quero amar. Si yo quiero vivir, nadie vive por mí. Yo no voy a parar ni a dejar de soñar un instante. En el barrio he crecido, todo el mundo es lo mío. Como un ave pequeña que salta del nido sin saber volar. Pero la envidia y el mal amor es algo que no tiene perdón. Y duele más si son los que tú quieres y te quieren callar. Esa sangre que corre mis venas me cura y me hace soñar. Puedo sentir dentro de mí susurros, saber que te puedo. Yo tengo la clave para ser feliz. Te puedo dar, te puedo compartir, porque todo está dentro de mí. En la sombra hay colores, en mis manos cicatrices, en la risa de la luna, dejando mi locura. Me falta, yo lo busco, me sostiene. Y así no crea nadie en mí, pues que se enteren. Te gusta cómo me muevo, cómo vibro en la pista. Y yo sé lo que tú quieres, lo que uno resiste. Lo que ves en el principio te vas a quedar adicto. Pero no juegues conmigo, te puedo dejar en vista. Te gusta cómo me muevo, cómo vibro en la pista. Y yo sé lo que tú quieres, lo que uno resiste. Lo que ves solo el principio te vas a quedar adicto. Pero no juegues conmigo, te puedo dejar en vista. Pero la envidia y el mal amor es algo que no tiene perdón. Y duele más si son los que tú quieres y te quieren callar. Esa sangre que corre en mis venas me cura y me hace soñar. Puedo sentir dentro de mí susurros, saber que te puedo encontrar. Porque esta sabia que está en mi cabeza hace fuego y es mi canción. Yo voy para adelante con todos mis anhelos. Te veo para el mundo. Sky.

lágrima por lágrima. Gustavo Lima, Dennis DJ é o nome dele. Continuer avec ta chronique, Philippa. Oui, enfin, c'est plutôt notre chronique, hein. Mais du coup, c'est sur l'astrologie du mois de février. Je te laisse dire le premier. Et oui, alors, mais sur quel thème ? Est-ce que tu vas choisir un thème ou pas ? Du coup, là, c'est plus, en fait, ça regroupe tout. En fait, c'est qu'est-ce que, du coup, vous attend ce mois. Ça va être un petit peu, voilà, pour certains, des remises en question. Il y a aussi toujours une petite partie cœur, mais c'est moins centré sur l'amour comparé à d'habitude. Donc voilà, c'est plus un conseil général que l'astrologie vous donne pour ce mois, finalement. Alors, pour les béliers, on te demande de ralentir. Oui, toi, février, c'est le mois où tu réfléchis à ce que tu veux. Alors oui, donc c'est pour l'horoscope de février. Oui, oui. Février, c'est le mois où tu réfléchis à ce que tu veux. Vraiment, pas juste ce qui t'excite sur le moment. En amour, soit ça devient sérieux, soit tu décroches. Au boulot, une idée en coulisses peut devenir énorme au printemps. Pour le mot-clé, un petit mot-clé de votre mois, c'est stratégie. Ok, c'est intéressant. Pour nos chers taureaux, du coup, c'est gros focus sur ton cercle social et tes projets futurs. Tu réalises que certaines personnes ne vibrent plus à ta fréquence. C'est pas un drame, c'est une mise à jour. Côté cœur, possibilité d'amitié qui glisse vers quelque chose de plus intime. Et le mot-clé, c'est l'évolution. Pas mal. Pour les gémeaux, on te regarde, genre vraiment. Février peut t'apporter une visibilité, reconnaissance ou responsabilité. Tu peux plus jouer petit. En amour, t'as besoin de quelqu'un qui respecte ton ambition, mais pas qui te la freine. Le mot-clé, c'est affirmation. Ok. Ça. Je vois des gémeaux. Ouais. Cancer. Envie de sortir de ta bulle mentale. Tu changes de perspective sur une situation qui te pesait. Voyage, études, spiritualité, aux grandes discussions qui changent tout. En couple, conversation profonde qui approche. Ouverture pour le mot-clé. Pour les lions. Ah, c'est nous. Oui. Moins intense émotionnellement. Ça commence bien. Ah, oui. Ça parle d'attachement, de jalousie, de fusion, de vérité crue. Mais c'est hyper transformateur. Tu laisses une vieille version de toi derrière. Fin du mois, regagne ta puissance. Et le mot-clé, c'est transformation. Oh là là, mais c'est quoi ça, ce mois qui nous attend, Mathis ? On va plus parler, je te le dis. Non, on va continuer. La Vierge, allez, on passe. La Vierge. Oui, c'est vrai. Les Vierges. Les relations sont le thème, soit un lien. Oula, attends, des jours comment ? Soit un lien se consolide fort, soit ça craque là où c'était fragile. Tu apprends à demander ce dont tu as besoin au lieu de tout gérer en silence. Enfin, et le mot-clé, c'est équilibre. Pour les balances, on remet de l'ordre dans la vie quotidienne, santé, routine, travail. Tu sens que tu ne peux plus continuer en mode « je gère mais je m'épuise ». Petit changement d'habitude, gros impact. Au travail, une nouvelle méthode te simplifie la vie. Mot-clé, ajustement. Scorpion, ton charisme est en hausse. Créativité, flirt, passion, envie de vivre plus intensément. Mais attention, tu veux du vrai, pas du superficiel. Projet perso favorisé. Et le mot-clé, c'est expression. Punaise, j'ai envie d'être scorpion, moi. Ouais, les lions, est horrible. Ah ouais, franchement. Pour les sagittaires, focus, maison. Famille, émotions profondes, tu te reconnectes à tes bases. C'est peut-être doux ou remuant, mais nécessaire. En amour, tu recherches sécurité plus authenticité. Le mot clé, c'est ancrage. Capricorne, beaucoup de discussions importantes, messages, décisions, mise au point. Tu dis enfin ce que tu pensais tout bas. Bonne période pour négocier ou lancer quelque chose. Mot clé, clarté. Pour les Verseaux, question de valeur, ton temps, ton énergie, ton argent. Tu prends conscience que tu mérites plus et tu commences à agir en conséquence. Possibilité d'opportunités financières ou nouvelles sources de revenus. Mot-clé estime. Ça, c'est mon frère. Et bien, ça y est, en plus, c'est quelque chose aujourd'hui. Oui, on en discute tout à l'heure. Le poisson. Alors, c'est ton moi, renouveau perso. Tu changes d'image, d'énergie, de posture. Les gens le sentent. Tu attires plus, mais tu tolères moins. Intuition ultra forte. Mot-clé, renaissance. Et bah, c'est plutôt pas mal pour tout sauf les lions. Oui, franchement. Mais en vrai, les lions sont positifs, hein, en vrai. Oui, si tu regardes bien la phrase. Ouais. Attends. Mais pas très d'accord. Non, ça parle d'attachement, de jalousie, de fusion, de vérité. Non, ils disent crue. Que tu te transformes, tu oublies toutes ces pensées négatives. Bah, en fait, non. Enfin, on pense comme ça, on va penser comme ouais, ça. Ouais, mais ils disent quand même que le moi va être comme ça, mais qu'à la fin, tu vas te transformer. Donc, je me dis que ce n'est pas un moi qui m'appartient parce que je ne suis pas dans l'attachement, la jalousie, la fusion, la vérité crue. Donc, je ne sais pas ce qui pourrait arriver par rapport à ça pour moi. Bah, on peut s'y attendre. Ah ouais. On verra. Bon, écoute. Bon, en tout cas, moi, je pense que c'est plus pour toi ou bah pour... Non, oui, enfin, peut-être que je peux me transformer, finalement. Me transformer, on va devenir un dragon. Ouais, je vais me teindre les cheveux en blond. Vous ne verrez plus photo d'elle. Après, je vais me refaire la mâchoire aussi, je pense. En tout cas, c'était la chronique sur l'horoscope. Me gusta recordar. Ando manejando por las calles feliz. Ten días, ni creías, y te burlabas de mi gran amor. Ten días, pues yo te creía, me destrozaste el corazón.

Nunca mais me ligaste, nunca mais um oi. É como se eu não valesse aquela noite à dois. Ninguém chega tão bem, ninguém faz como tu. Chega, manda mensagem, responda aos meus áudios. Não é no se inventar e diz que me ligas depois. Sozinha não esquenta, minha cama foi feita pra dois. E quando chega a hora que a vontade aperta, eu vou, meu amor, te procurar. mas já tão distante. A distância não tem fim e mesmo lá longe sempre a recordar. Por vezes na solidão o meu coração pede para voltar. Embora, oh meu amor, ai se eu pudesse. pensar en hora, poder parar o tempo nessa hora, para que nunca te deixe ir embora. Recordo-me quando te conheci, eu olhei para ti, estavas tão linda. E agora não dá mais para esconder o que eu sinto por ti. Ai, só de mim, passarinho disse-me que sim. Às quatro da madrugada esperas por mim ou não? Eu ando louco sem saber se ainda és minha ou não. Meu coração anda para aí, ninguém o prende, e a liberdade não me deu ninguém mais quente. Será que és tu que ainda me tens e ainda me sentes? Ainda me sentes? Meu coração anda para aí, ninguém o prende, e a liberdade que és tu que ainda me tens, ainda me sentes, ainda me sentes. Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, para que nunca te deixe ir embora. Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, se trocam é assim, fico fora de mim, fora de mim. Não dá para disfarçar este meu olhar, que só te quer a ti, só quero a ti. Mas eu não falo francês, vais ter que me ensinar. Por enquanto vou dizer o que te quero falar. Du coup de nos artistes préférés. C'est ça, et on veut aussi savoir vos artistes préférés, ceux que vous voudriez voir, vos artistes français, portugais, latino ou autres. On commence par toi, Philippa. Quel artiste t'aimerais voir, peut-être sur scène, un événement ou... Il m'importe, hein, une grande célébrité aussi. Que... Alors, c'est vrai qu'en grande célébrité, moi je suis fan de Shakira, pas comme toi, hein, mais j'adore Shakira. C'est ma chanteuse là. Non. Vraiment, c'est... Enfin, moi j'étais là devant la télé quand j'étais petite, waka waka, enfin bref. Et j'adore Lady Gaga aussi, vraiment, c'est grave. Ah ouais, c'est que grave ma queen. Avec. Ah ouais, non, mais. Ta copine d'Adi ? Non, j'ai dit ma queen. Ah. Non, quand même pas. La copine, déjà. On a quand même pas. Non, je suis pas encore à ce point-là, tu vois. Et puis, surtout, quelqu'un que j'aimerais bien voir, moi, par exemple, dans les fêtes un peu portugaises et tout. Ils se sont bien démarqués cette année. J'arrive jamais à ma route. Non, j'arrive pas. Maroto de Constantine. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Maroto de Constantine. C'est vraiment un duo, je les trouve vraiment incroyables. Et ils se complètent tellement bien. Et en fait, ils proposent de belles musiques, ils sont jeunes. Et du coup, enfin, vraiment, j'adore. C'est ça. Ils sont incroyables. Mais oui. Peut-être on va les avoir, peut-être on les verra un jour, peut-être ils viendront à Orléans. Dans notre plus grand rêve, ils viennent à Orléans. Vraiment, avec Mathis, peut-être. On bavrait sur cette idée, mais. Pour danser avec eux. Oui, on serait là sur leur chanson à danser. Mais bon. Bon, c'est un rêve. Bah, du coup, moi, en tant qu'artiste grande internationale, bien sûr, c'est Shakira. Ouais. Parce qu'elle va piquer ma chanteuse, mais bon. Et en chanteur, ce que j'aimerais bien voir aussi, ce serait Maluma. Mm-hmm. Ou Bad Bunny. Mm-hmm. Elle a beaucoup, en fait. Et même Beyoncé aussi, que j'aimerais bien voir. Mais j'aimerais bien voir aussi Bombocas. Bombocas, le duo de deux chanteuses portugaises. Mais du coup, les voir aussi dans des festivals portugais, ce serait incroyable, les voir. Je sais pas si c'est deux sœurs ou pas. Je sais pas si tu sais, Philippa, Bombocas, si c'est des sœurs ou pas. Non, je sais pas. J'ai sûr que t'arrives pas à voir c'est qui déjà. Non, bah non, je connais jamais. En fait, je ne sais pas. Vous me parlez de chanteuse, mais de nom, de tout ça, moi je sais pas. Moi j'écoute juste et je sais qui est la musique, mais. Toum, toum, toum. Ah oui, toum, oui, toum, oui. Toum. Évidemment que je connais. On n'arrête pas de la chanter. Mais oui, ce serait peut-être les chanteuses que je voudrais bien voir dans un festival portugais. Et si on dirait un chanteur. Un chanteur que j'aime bien. Mathis, il écoute pas trop de chanteurs. Non, en vrai, je suis plus chanteuse que chanteur. Et mais du coup, c'est vrai que du coup, nous, en fait, du coup, dans la voiture, on écoute beaucoup de Shakira, ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'en fait, il dit que j'ai piqué sa star, mais pas du tout. Enfin, c'est pas que j'ai piqué sa star, mais c'est que c'est notre star. On est là dans la voiture, on aime bien s'ambiancer, et donc du coup. Après, on pourra vous mettre un peu de ces musiques comme ça, vous aussi, à la maison. Vous pourrez danser, en même temps faire le ménage, ou peut-être vous ambiancer dans votre voiture, ou faire toute autre chose, finalement. En tout cas, on repart en musique et on se retrouve tout à l'heure. São, mas é ciumentas. Tu não tens muito nas vistas, senão depois te apoguentas. São ciumentas. Mira! Podem parecer teimosas, podem parecer teimosas, mas são muito queridinhas. Mas são muito queridinhas. E quando é chegar a são mais meiguinhas. E se a lua está de fora, ainda são mais mansinhas. Ai, são mansinhas. O homem antes mandava fazia tudo o que queria. Agora é tudo ao contrário. O homem é até nem dia. Ei, mira! Ela já que manda. Não podemos viver sós. Não podemos viver sós. Precisamos sempre delas. Precisamos sempre delas. O que seria de nós sem essas lindas? Quem nos acorde são elas. Hey! Letra por letra.

du coup, on a eu d'autres réponses. On a eu d'autres réponses d'artistes que les personnes voulaient voir sur scène. Bon, alors, on a une artiste qu'on a déjà eue et qui nous a été demandée, mais bon, elle est venue l'année dernière. C'est, je me rappelle déjà plus de son prénom. La chanteuse Claudia Nayara. Voilà. Elle qui voudrait la revoir. On a eu aussi José Mayo. Qu'il y en a qui voudraient le revoir. Bon, après, il vient souvent, mais... Bah, souvent, non, mais on l'a déjà vu il n'y a pas très, très longtemps. Il y a eu aussi la demande de sa fille, Anna Mayo. Donc, on a eu ça comme demande. Je ne sais pas s'il y en avait eu d'autres, je n'ai pas encore tout vu. Mais je sais qu'on a eu ces trois-là qui ont été demandés. Donc, voilà, c'est vrai qu'Anna Mayo, elle date un peu de quand on l'a revue. Tu vois pas c'est qui? Non. Enfin, moi, je ne connais que les musiques. Hein, les Et bah, écoute, on va t'en faire peut-être écouter une comme ça au moins. Tu sauras c'est laquelle? C'est parti. Pega fogo, cabaré. Hoje eu não aguento mais. dia, beba a terra e arudia, eu vou cair na cachaça. A mulher me abandonou, meu patrão me dispensou, daqui tá tudo ferrado. O caimão arrasta a pé, logo tudo que vier, tem tudo pra acabar. Mas pega fogo, cabaré, hoje eu não arrebo o pé, pode vir que eu tô no ponto, só filé, só filé. Se a mulher é desde primeira, e quando é segunda, no arrest, but my mind your business. No arrest, but my mind your business. mess up, but I'm on my job. So I hit the road and I end up in the yard party. Baby was moving like a naughty shorty. Need discipline, she need discipline. Need to put her on a lockdown, no visiting. Yeah, I'm cuffed to maintain the connection. This baton is a rod of correction. Discipline, she need discipline. Need to put her on a lockdown, no visiting. o seguinte, quero ver as mãozinhas pra cima de todo mundo que tá presente aqui. Canta junto. Avec une dédicace pour ma maman. Et du coup, la musique, je suis forte. C'est un fado rock électronique portugais. Donc, on écoute et pour certains, on le découvre. On écoute. Entre sombras, com o coração a sangrar, fiz das feridas o meu nome, mas nunca deixei de lutar. Gritei ao vento a minha mágoa, fui tempestade a acordar. Mesmo caída fui chama, mesmo sozinha fui mar. E quando tudo roubar-me o último chão, descobri que a força nasce do que parte o coração. Sou forte, mais do que o medo que me tentou quebrar. Sou forte, grito no silêncio que me quis calar. Das cinzas fiz estrada, do pranto fiz muralha, do me vai parar. Cantei por dentro a coragem, mesmo quando eu só queria fugir. Desafiei cada miragem que me dizia para desistir. E quando o mundo me empurra, eu ergo a voz até tremer, porque a dor que me derruba é a força que me faz renascer. E quando si tu me follows, je te like, on vit dans cette époque. J'avoue que lorsqu'elle est arrivée, la vérité, ouais, ouais, ouais, ouais, elle est devenue mon cocktail ensoleillé. Ma liqueur de vie poteau, je l'ai laissé m'enjailler. Elle est tout ce que je n'ai jamais osé rêver. Bah ouais, bah ouais. Pour elle, j'ai fait des trucs de ouf que je n'aurais pas imaginé. Bien plus que ça, bien plus que ça. Oh, bien plus, tu n'en as pas idée. Elle est le feu, elle est le choc, elle est mon sucre, elle est ma glace pilée. Bien plus que ça, bien plus que ça, oh bien plus, elle m'a ensorcelé. Laisse parler, elle est ma life, mais mon amour est mon soleil d'été. Mignoline, mignoline, mignoline, yeah, yeah. Laisse parler, elle est ma life, mais mon amour est mon soleil d'été. Mignoline, mignoline, mignoline, yeah, yeah. Vie fraîche, mignolinda. BCBG, Misuka et là. Top model ou bubble, elle a le goût vanille, caramélisé, chocolat. Elle a repeint la casa, les murs de ma vie comme un éclat. Graffiti, artiste de ma vie, elle est la mosaïque, elle est tout ça à la fois. Ouais, ouais. Pour elle, j'ai fait des trucs de ouf que je n'aurais pas imaginé. Bien plus que ça, bien plus que ça. Oh, bien plus, tu n'en as pas idée. Elle est le feu, elle est le choc, elle est mon sucre, elle est ma glace pilée. Bien plus que ça, bien plus que ça. Oh, bien plus, elle m'a ensorcelé. Laisse-les parler, elle est ma life, mais mon amour et mon soleil d'été. Mignoline, mignoline. Chaud comme l'Africa, climat de Lisboa, boom du Brésil, le modalisé Luanda. Et on revient par rapport au sondage qu'on a fait sur nos réseaux. Donc vous avez dit qu'on vous dirait les pourcentages de qui est plus team quoi. On commence avec le premier, donc plus team lefto ou leftard. Et du coup, on est à 50-50. On a 50 personnes qui se lèvent tôt et 50% qui se lèvent tard. Donc, c'est assez, assez kiff-kiff. On continue avec le prochain. Je te laisse Philippe le dire. Du coup, on avait team à l'heure ou team en retard. Là, par contre, c'est vrai qu'on a plus de votes pour le retard. Donc, bon, je pense que... 57% en retard et 43%... Voilà. Je pense qu'il faudrait un tout petit peu se dire de nouvelles résolutions, se dire, bon, pourquoi pas être un peu moins en retard parfois. Mais bon, je sais que ça peut être compliqué parfois. Et on a lancé un team l'amitié fille-garçon existe, j'y crois ou pas du tout, et 100%. Mette. J'y crois. Donc, du coup, c'est vrai que nous aussi, on y croit, l'amitié fille-garçon. Donc, pour nous, c'est important. Donc, on est quand même content de voir que la plupart des. Enfin, du coup, de tous les votes, mettent qu'ils y croient. Parce que c'est important, de croire pourquoi on ne pourrait pas être amis avec le sexe opposé. Enfin, c'est pareil, finalement. Donc, voilà. C'est ça. Et on vous a lancé donc, une des questions sur des idées de chroniques que vous souhaiterez écouter. Et là, on vous laisse. Vous laisse carte blanche pour vouloir nous proposer des choses. Oui, pour nous écrire, nous dire ce que vous aimeriez entendre. Et surtout, on pourrait revenir sur ce qu'on a dit en tout début. Donc, je te laisse un petit peu en parler. Et oui, comme vous avez peut-être pu le voir quand vous êtes venu à la galette et peut-être en pu entendre un peu à la radio, une grande, grande, grande soirée s'annonce pour Radio Arc-en-Ciel le samedi 25 avril sur le thème des... Les années 80 et 90. Donc c'est le samedi 25 avril à la Passerelle, donc notre grande salle qui nous accueille pour cette année, pour cette soirée, donc années 80-90. Donc plusieurs artistes portugais vous y attendent. On laisse un peu la surprise. On va lancer dans pas longtemps donc cette affiche et avec des petites questions pour voir. Quels sont pour vous les artistes des années 80 et 90 qui vous ont marqué, lesquels vous voulez voir, lesquels vous souhaiteriez écouter, et on verra qui se rapproche de nos artistes portugais. Un grand jeu concours s'annonce, le jeu de concours du meilleur dress code des années 80-90. Donc à vous de jouer, à vous de se mettre dans le thème. Donc c'est un concours où il y aura des cadeaux à gagner. Donc jeu concours, on verra qui sera les plus beaux dans le thème. J'espère que j'ai gagné même si je ne connais pas cette époque. Donc une entrée, donc 15€ pour les préventes que vous pourrez réserver bientôt, 20€ sur place, 20€, je vois pas si c'est bien écrit, oui. 20€ sur place, et pour nos adhérents qui sont adhérés, donc n'hésitez pas à vous adhérer, car c'est 15€ pour les adhérents, plus une boisson offerte, donc à ne pas rater, et gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Restauration rapide et buvette sur place, donc à marquer dans vos calendriers la date du 25 avril et surtout l'ouverture à 19h. Donc c'est ça, donc bientôt vous pourrez réserver une soirée qu'on attend avec impatience d'être avec vous et de fêter cette soirée merveilleusement. Oui, sur le thème des années 80-90, donc on vous attend nombreux avec vos meilleurs styles et surtout pour s'ambiancer, traverser un petit peu l'époque et revivre des souvenirs à travers cette époque-là. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de venir, de nous appeler, d'envoyer un mail, voilà. Et donc ça sera à la Passerelle, à l'adresse que je laisse Philippe pas dire. 57 boulevard de Lamballe, 45400 Fleury-les-Aubrais. Donc une date à retenir, le 25 avril. Povo português, gente boa e de trabalho. vem hoje a CBX e vai tudo de rimbombar. Em qualquer parte do mundo há um português por lá. No coração há esperança de poder voltar para cá. Para perto da família que a chorar. Gente boa e de trabalho, que tem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbo ao bairro. Que só nos causaram dor. Só mentiras, traições. Machucou o nosso amor. Mas como posso esquecer de você? Te amo e te quero, como o rio quero o mar. Eu te amo e te espero, como a noite quer luar. Eu não consigo viver sem você. Se metade de você se plaît. Só penso em você. Que só nos causaram dor. Só mentiras, traições. Machucou o nosso amor. Mas como posso esquecer de você? Só penso em você. Só em você. Eu te amo. Mesmo carro, os dois passaram a noite. Et on revient un peu avec un chanteur qui est dans les années 80 quand même, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour Christine. Je suis de passage, mais je m'en vais. On s'était promis, hein, pour oui, un césage. Chacun dans les nôtres. Ben alors, finalement, je viens faire un petit coucou. Comment tu vas? Je vais très bien. Je vais très bien et j'ai le sourire parce que je sors d'une réunion très, très positive où j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ce matin, Radio Arc-en-Ciel réunissait dans ses locaux et ben les autres associations de langue portugaise. Donc les associations de notre région, les associations portugaises de la région de Orléans. Je suis super fière, super contente. Bon, tout le monde n'a pas pu être là comme convenu, mais effectivement, la plupart étaient là et ça m'a beaucoup beaucoup plu parce qu'effectivement on a pu échanger, ben voilà, de nos galères ensemble, de nos organisations et tout ça. Et j'avoue sincèrement, ça fait du bien de les entendre. J'ai beaucoup aimé. Ça fait du bien de tous se rassembler parce que tout à on fait. Est tous là pour un peu. Tout à fait. Ça n'arrive pas souvent parce que chacun est occupé dans sa petite vie, chacun est occupé dans son association. Et j'avoue sincèrement que là, c'était important de les recevoir, de les écouter, de partager avec eux, de pourquoi pas un petit élan de solidarité aussi et de oui, bah plein de belles choses. J'ai beaucoup aimé. Je sors avec le sourire. C'est le plus important, alors. Le week-end commence bien, ça veut dire. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et vous, de votre côté, Sarah, l'émission se passe bien? Écoute, ça se passe bien. On a parlé du grand événement qui arrive, qu'on a très, très, très, très hâte. Le 25 avril, les années 80, sortie des platines de Radio Arc-en-Ciel. C'est ça, on a trop hâte. Tous vous revoir et de partager ce moment incroyable. On a lancé le jeu concours, du coup. Ah, ça y est. C'est ça. On espère que toi aussi, t'as trouvé ta petite tenue, déjà. Oh oui. Ouais, moi, oui, parce que j'ai eu l'occasion de le faire à mon travail. J'ai trouvé ça super sympa. Et j'avoue sincèrement que oui, j'ai ce qu'il faut et je serai là. Ben, nous, on va regarder sur Internet, hein, parce qu'on était pas nés encore. Oui. Dans le, c'est sûr. Papa, maman, ils étaient nés, hein. Donc, ils peuvent vous expliquer, hein, vos parents. Oui, mais quand j'ai regardé les photos, ils étaient pas trop fashion, hein, à ce moment-là. Non, mes parents étaient fashion, c'est bon. Ouais. Piquer les affaires à tes parents. Voilà. Ben voilà. Vous faites un appel au don. C'est ça. De l'autre côté, as-tu encore ton jean pas de def? Ben, j'en ai toujours. Quoi que ça revient à ça revient, donc. Ah, mais nous, c'était... Alors, les années 80, à savoir, c'était vraiment serré au niveau, de la ceinture et plus large en bas. À la limite, tu balayais... Le sol. Le sol, avec un... Bon, j'ai mon jean à pas de def, strass, ça peut marcher. Bah voilà, tout à fait. Strass et paillettes, fluo, tout ça. Tout ça faisait partie. En tout cas, oui, c'est vrai qu'on part, on est en plein dedans, on est en pleine préparation. Effectivement, du 25 avril à la passerelle, attention, une nouvelle adresse. Hier, on avait réunion avec, les gérants de la salle, ceux qui s'occupent de cette salle, et effectivement, oh, waouh! Ça va être beau! Waouh! Oui, grand, spacieux. Oui. Moi, j'aime très grand. Elle s'y prête vraiment bien. On a beaucoup, beaucoup à apprécier et on s'y sentait déjà. On s'y voyait déjà parce que, voilà, avec nos collègues, il y en a certains qui ont pris déjà leur repère. Moi là, moi je fais ci, moi je fais ça. Waouh, ils étaient à fond. C'est vraiment génial. Donc effectivement, on a de bons repérages et on a beaucoup aimé. Je pense qu'on va faire quelque chose de très, très, très, très, très bien. Moi, c'est magnifique. Pas je pense, c'est j'en suis sûre suis que sûr. Ça va être magnifique. Aussi, j'ai hâte d'y être. Pour l'année des 40 ans de Radio Arc-en-Ciel. Tout à fait. L'année des 40 ans de Radio Arc-en-Ciel, c'est tout à fait ça. C'est ce qu'on a besoin, de sortir un petit peu du placard. Parce qu'on nous a foutu au placard, on n'y est pour rien, mais on veut sortir, on veut danser. Et vous, de l'autre côté, est-ce que vous voulez danser? Je suis sûr que chers auditeurs, est-ce qu'ils ont envie de danser, nos auditeurs? Et sur quoi? Ah, les années 80. On a demandé quels seront les artistes que les personnes voudraient écouter de ces années. Et toi, nous, on a donné notre avis de ces personnes-là, mais toi, qui tu aimerais écouter dans ces années 80 à 90? Alors, moi, quels chanteurs t'ont marqué? Alors, les chanteurs qui ont marqué, parce que c'est rigolo parce que c'est le moment où j'ai quitté le Portugal et c'est le moment où je suis arrivée en France. Alors, pour moi, ceux qui ont vraiment marqué et que j'étais au Portugal, c'est l'un des chanteurs qui sera là avec nous, parce que quelqu'un qui avait vraiment marqué mon époque. Après, ceux qui ont vraiment marqué mon époque, malheureusement, ne sont plus là. Et j'avais une chanson que je chantais tout le temps. C'était Cinderella de Carlos Payan. Et que c'est une chanson qui a beaucoup, beaucoup marqué parce que je devais l'apprendre par cœur à l'école. Et c'est vraiment une chanson qui avait vraiment marqué mon temps d'école au Portugal. Et quand je suis arrivée en France, je l'avais encore. Et quand je suis arrivée en France, c'était là-bas de Balavoine. Parce que là-bas, j'avais laissé quelque chose. Et là-bas, c'est là-bas. C'est là-bas de Balavoine. Et la preuve que spectacle Balavoine bientôt sur Orléans, où je serai présente. C'est un cadeau d'anniversaire. Ah bah ça, c'est super. Mais je retiens qu'elle a dit qu'il y avait une musique qui avait marqué son enfance, donc Carlos Payan, Cinderella. Mais que du coup, il ne pourra pas. Oui, non, parce qu'il est décédé, malheureusement. Mais du coup, Christine pourrait la chanter si elle l'a connue par cœur à l'école. Alors, à savoir que tous ceux qui sont de mon âge, on la chante a cappella facilement. Je ne te la chanterai pas parce que moi, je n'ai pas une voix pour chanter. J'ai une voix de radio, mais je n'ai pas une voix de chant. Et je le sais très bien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui avait marqué. Et tous les gamins le chantent, cherchent Cinderella de ton côté. Et tu vas voir. D'ailleurs, il y a beaucoup de groupes portugais qui l'ont, qui l'ont rechanté, qui l'ont reprise après. Et je pense que c'est quelque chose que même, je suis sûre que ses parents connaissent. C'est une musique qui avait marqué un petit peu notre jeunesse, parce que c'est quelque chose qu'on chantait facilement à l'école. Et il y avait plein d'autres, comme Passear Contigo de Dos Blood Mel. C'est une musique qui marque, qui avait marqué des années de l'école. Il y avait beaucoup d'autres artistes, mais qui malheureusement ce sont des artistes qui ont un cachet excessivement cher et qui malheureusement, tout comme un Rui Veloso, tout comme un Pedro Brunhoz, tout ça, ce sont des grands artistes effectivement qui ont marqué les années 80, mais qui ont des cachets excessivement chers et qu'on peut pas se permettre de se planter et de faire perdre de l'argent à l'association. Parce que moi personnellement, si c'était un artiste qui avait vraiment marqué, ça serait en Rui Veloso avec son anel de rubis, ça serait l'idéal. Mais c'est trop cher et on peut pas. C'est ça qui est malheureux. Mais je crois que c'est cette musique-là que tu adores. Vas-y, plus haut. Temos tanto as crianças a viver esperanças a saber. Je pense que si on fait un sondage, tout le monde la connaît. Même moi, je la connais. Parce que, tu sais, à l'école, on devait la savoir. Et puis après, si tu écoutes bien, tiens, d'ailleurs, je ne dis rien. On ne dit rien. Pour la prochaine fois qu'on se verra, je voudrais que tu me racontes cette histoire, cette chanson. Tu dis rien, tu ne l'aides pas. D'accord, je ne l'aiderai pas. Mais va chercher sur Google. Non, mais pas de Google, arrête. Non, t'essayes de savoir. Il va dire... T'essayes de savoir. Google Traduction, traduis-moi cette musique. Non. On l'écoute et j'essaie de savoir un tout petit peu. Écoute. Respondeu baixinho, sou a Cinderela. Quando a noite o envolveu, ele adormeceu e sonhou com ela. Je crois que je sais. Elle parle d'amour déjà. Très bien. Parce que le refrain, c'est mon cœur bat, je crois. Alors, je vais t'aider. C'est l'histoire d'un petit couple d'amoureux. Et il essayait de sortir avec elle, mais elle ne savait pas trop. Et donc, c'était sa Cinderella. C'était sa dulcinée, on va dire. Et c'est quelque chose qui est. Voilà, c'est un petit jeune homme qui essayait de sortir avec sa Cinderella, mais qu'elle n'était pas toujours d'accord, quoi. Et j'ai compris un peu, surtout le refrain m'a aidé. Oui, voilà. Mais Cinderella, je me suis dit, c'est la princesse ou. Voilà, c'est ça. Peut-être pour ça, Cendrillon, quand je vous le dis. Coro un bocadinho, ça veut dire qu'elle a rougi quand il lui a demandé. Te batte comme et ben moi je dis on va tous la chanter le 25 avril tous ensemble en cœur. Voilà, c'est ça. Oh, il y en a plein, Chaud de Pont-à-Pêche, il y en a plein. Mais malheureusement, d'un point de vue caché, c'est malheureux. Hein, mais on se bat avec ça. Mais on peut pas avoir tous ces artistes-là parce que c'est excessivement cher. Et notre objectif n'est pas de faire perdre de l'argent à l'association. Donc c'est pour ça qu'effectivement, pour ne pas faire perdre de l'argent à votre association, parce que c'est pas la nôtre, hein, c'est l'association de la communauté portugaise. Et effectivement, venez tous. Adhérez-vous. Adhérez. Mais venez surtout le 25 avril, venez à tous nos événements, remplir les salles de manière à se dire que bah, on fait pas ça pour rien et que bah, nos associations sont toujours debout et grâce à vous. C'est ça le plus important. Mais je pense que tout le monde a envie de danser. Oui. Tout à fait. Je pense également. Et que même si c'est pas les meilleurs artistes, et eh ben, franchement, il y a de très, très bons artistes qui vont venir, qui vont nous ambiancer et donc pouvoir danser avec eux. Donc, franchement, même si c'est pas celui-ci, même si c'en est pas d'autres, s'en sera d'autres et ils seront tous super dans tous les cas. Tout à fait. Faut faire la fête, faut profiter de la vie tant qu'on peut, effectivement. Et là, je voudrais laisser un petit mot à notre Portugal. Parce qu'effectivement, le Portugal vit quelque chose de pas beau en ce moment. Et il y a effectivement cette grande tempête, Christine, qui a rien à voir avec moi. La tempête Christine qui est passée dans le centre du Portugal. Et il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui n'ont plus de maison. Et des maisons ont été rasées, des gens qui sont très malheureux, des gens qui sont très mal dans leur petite vie et que tout allait très bien. Et je ne sais pas si vous connaissez du côté de Leiria, Santarém, Ourém. Et toute cette partie-là est un petit peu désastreusement détruite. Et que je voudrais aussi faire un petit retour, parce que souvent on dit on n'aide pas. Ça va être en portugais, mais je vais vous dire quelque chose. Et effectivement, ce qu'on appelle le diaspora, ça veut dire que ce sont les Portugais de l'étranger, les Portugais de loin. Parce que souvent, on nous critique et on dit qu'on n'aide pas. Mais si. Pourtant, écoutez bien. O valor real da diáspora, mais do que o dinheiro, somos a coluna vertebral de Portugal em crise. Muitas vezes ouvimos a frase seguinte: vocês já não são de cá, vocês já não são portugueses e vocês já não querem saber. Pois bem, vamos lá falar de fatos, vamos lá falar de números e vamos falar do que aconteceu nas últimas semanas após a destruição da tempestade, Christine. Enquanto o país estava a perceber a dimensão do desastre, a diáspora de cá já estava em movimento. Não foi uma ajuda desorganizada, foi uma operação logística sem precedentes. A logística de solidariedade, como ajudamos. A nossa comunidade de cá, a comunidade portuguesa de fora, não se limitou a observar pelas notícias a mobilização foi técnica e profissional. O comboio da ajuda terrestre. Estimamos que mais de 5 mil carrinhas e caminhões de matrícula estrangeira, francesa, suíça, Luxemburgo, Bélgica e alemã, cruzaram a fronteira de Vila Formoso e cai nas primeiras 72 horas. Equipamento industrial foram entregues a mais de 1.200 geradores de alta capacidade e milhares de motosserras e ferramentas de corte para poder retirar o que estragava as nossas estradas. Mão de obra especializada, Portugal recebeu um exército de carpinteiros, pedreiros, eletricistas e muitos mais. Recuperaram mais de 400 telhados em tempo e recorde, a evitar as chuvas seguintes que destruíram certas casas. Claro que nem tudo foi possível ajudar toda a gente, mas algum trabalho já foi feito. Canhotes e donativos em menos de uma semana já conseguiram continuar a pôr em cerca de 2,5 milhões de euros destinados diretamente às juntas de freguesias que estão então afetadas. Remessas e emergências, houve um pico de 15% no envio de fundos face a este terror. Tout simplement parce que nous, à diaspora, ceux qui habitons à l'extérieur, on a pu mettre en place plus de 5 000 camions ont passé la frontière, pas simplement de France, mais de la Belgique, de la Suisse, du Luxembourg et de l'Allemagne, ont emmené du matériel jusqu'au Portugal. Nous, de notre côté, c'est vrai qu'on se sent impuissant. Quand tu te retrouves, quand tu te lèves la nuit, que tu vois le toit de ta maison s'enlever, s'envoler, je pense que ça va être l'horreur qui suit. Mais effectivement, on pense fort à eux. Il faut se renseigner. Alors, il y a des cagnottes qui sont en place, mais il faut passer par l'État portugais. Ne pas aller dans des cagnottes Litchi et autres. Vous pouvez vous renseigner via les sites du consulat ou de l'ambassade du Portugal. Ils peuvent vous renseigner, mais ne vous adressez pas à des cagnottes frauduleuses ou autres qui peuvent effectivement vous emmener à des donations qui n'arriveront jamais vers les gens. C'est ça. C'était juste un petit mot. D'accord. Et qu'on pense très, très, très, très fort à eux. On pense très fort à eux. Tout notre soutien est avec eux, même si on est loin. On est loin, mais on est de là-bas aussi. Oui. Mais on apporte les messages. Tout à fait. Et on va leur laisser une musique, on ne sait jamais. Non, je sais que l'électricité n'est pas encore bien présente chez eux, quoique ça commence à arriver. Ça commence à arriver. Il y a des gens, effectivement, à travers les groupes électrogènes qui sont arrivés de l'étranger. Ils vont pouvoir commencer à avoir à peu près une vie normale. Mais bon, beaucoup de pertes. Et là, pour la musique, on va écouter Emmène-moi de Kalima. Tout à fait. Et moi, je vous dis ciao, ciao, parce qu'il faut que j'aille bosser de l'autre côté, j'ai du boulot. Et ben, de nous, de notre côté aussi. Oui. On se dit au revoir. Oui, oui. À bientôt. Tout à fait. Au week-end prochain. Au week-end prochain. C'est Christine. Tout à fait. Oui. Et le week-end après, on revient. Tout à fait. Surtout, on vous dit à bientôt et ciao, ciao. Ciao. Ao farto me decepcionar, se sigo mal a contigo, tinha de ler na tua liberdade, na guerra, em paixão. Te vejo lá de hoje, mas te de mar, como na fome. Oh, meu irmão, meu barro a mirar, vale, vale, ou Lisboa, se te bem a gente vinha ver pra. Si je fraude, que Dieu pardonne mes fautes. Je suis aussi que toi les brodes. J'ai la garde parfois à la veine. Des erreurs, oui, j'ai dû en faire. Je suis l'élève ambitieux. D'être mystérieuse, t'es ma flamme, mon César, meu amor, minha paz. T'es le premier roi de mes villas. Dans le soleil, dans le soleil, lundi au dimanche, ça me lève à mon amour. Emmène-moi, peu importe où on ira, à l'Ibari ou Lisboa, je suis bien que je suis avec toi. Emmène-moi, il n'en importe où on te vache, la ronde à vie te lèvera, le cœur est cher au père de ti. Emmène-moi. Sei que antes disso, para aí nos anos 70, lá está, ou então 80, tu me dirás.